Chaussée de brodequins en prunelle, de bas de soie gris, armée d'une robe en magnifique levantine, les cheveux en bandeau sous une très jolie capote en velours noir doublée de satin jaune, Lisbeth alla rue Saint-Dominique par le boulevard des Invalides, en se demandant si le découragement d'Hortense lui livrerait enfin cette âme forte, et si l'inconstance sarmate, prise à l'heure où tout est possible à ses caractères, ferait fléchir l'amour de Venceslas. Hortense et Venceslas occupaient le rez-de-chaussée d'une maison située à l'endroit où la rue Saint-Dominique aboutit à l'esplanade des Invalides. Cet appartement, jadis en harmonie avec la lune de miel, offrait en ce moment un aspect à moitié frais, à moitié fané, qu'il faudrait appeler l'automne du mobilier. Les nouveaux mariés sont gâcheurs, ils gaspillent sans le savoir, sans le vouloir, les choses autour d'eux, comme ils abusent de l'amour. Pleins d'eux-mêmes, ils se soucient peu de l'avenir qui, plus tard, préoccupe la mère de famille. Lisbeth trouva sa cousine Hortense ayant achevé d'habiller elle-même un petit Venceslas qui venait d'être exporté dans le jardin. « Bonjour, Bette !» dit Hortense, qui vint ouvrir elle-même la porte à sa cousine. La cuisinière était allée au marché, la femme de chambre, à la fois bonne d'enfant, faisait un savonnage. « Bonjour, ma chère enfant !» répondit Lisbeth en embrassant Hortense. « Eh bien !» lui dit-elle à l'oreille. « Venceslas est-il à son atelier ?»« Non, il cause avec Stidman et Chanor dans le salon. »« Pourrions-nous être seuls ?» demanda Lisbeth. « Viens dans ma chambre. »